Quand Monsieur Perry nous dit que la spiritualité, la croyance, la religion, enfin on appellera ça comme on veut, ne doit pas passer le seuil de la porte. Alors, privé, sincèrement, oui, c'est ça, ouais. je trouve ça d'une hypocrisie, mais sans nom, parce que je peux pas concevoir comment on peut être croyant chez soi et ne plus l'être une fois qu'on est sorti de chez soi. Et puis je voudrais aussi revenir, sans revenir trop en arrière, sur une intervention de Monsieur Perry il y a quelques semaines par rapport à un attentat, je ne sais plus lequel parce qu'il y en a eu énormément, quand il disait qu'il était très méfiant quand il avait une personne barbue à côté de lui. Oui monsieur, je vous le répète cher Mohamed, et je suis de moins en moins satisfait de croiser de plus en plus de filles avec des voiles sur la tête dans les rues de mon pays. Eh ben, je vous le dis, je l'affirme, ça me gêne. Et autant je l'ai perçu comme quelque chose d'exotique il y a quelques années, autant je le perçois aujourd'hui comme quelque chose d'agressif. Et que ça ne vous plaise ou non, cher Mohamed, je vais vous rendre la parole juste après, mais l'espace public en France, il est neutre. Donc, vous êtes croyant chez vous, vous pouvez l'être dans votre cœur, sur la voie publique, mais il n'y aura pas dans ce pays de manifestation de foi dans l'espace public. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez une manifestation de foi? Parce que moi, par exemple, le cas où vous dites que vous êtes très méfiant quand vous avez un barbu à côté de vous. Oui. Comment vous pouvez savoir si ce barbu est musulman ou si c'est hipster, par exemple? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que tous les barbus ne sont pas des intégristes, mais que tous les intégristes sont des barbus. Ça non, vous va comme c'est ça? C'est totalement faux. C'est totalement okay. faux. C'est ah, totalement bon. faux. Ah, bon. Tous les derniers attentats qui ont été perpétrés en France ont été perpétrés par des gars qui avaient un look absolument pas religieux et rien à voir. Aucun d'entre eux n'était barbu. Alors vous allez me dire que c'était pour des raisons stratégiques, pour se fondre dans la masse ou je ne sais quoi, mais le fait de porter la barbe, c'est quelque chose d'obligatoire. Vous avez compris, Mohamed, ce que c'est je voulais qu'il y a dire. Hipster, les hipsters ne posent pas de bombe, à l'évidence, oui. Mais pour revenir sur la charte de la laïcité, ce que tu dis,